creuserai mon trou, me dira tout par petits bouts. Dans tes yeux, je serai délicieux. Dans tes cheveux, je ferai malicieux. Dans ton corps, je creuserai encore, me prendra tout par petits bouts. Dans ta chair, je guiserai le fer, et sur tes seins, je verserai le sien. Yeah.